Chocs, Milo Chocs. Frostfondo, El Matuso. La connexion Toulouse-Madrid. Fraîchement débarqué de ma France natale. Pour un attentat verbal sur l'instrumental. J'suis là pour représenter la langue de Molière. Sans prétendre être meilleur que lui, sans faire le gangster. Passionné par les beaux mots depuis tout gosse. C'est à mon tour de poser, a qui estamos. Ma langue latine, lengua latina. El Matuso au platine, on va t'expliquer ça. À l'origine, langue diplomatique. Outil de communication fantastique. Unifiant les peuples autour d'un même dialecte. Alors mec, tu respectes. Les lettres forment des mots puis des phrases. Ça m'a toujours laissé en extase. C'est post au mic pour te parler de ce qui nous unit tous. Sur un son de Manu One qui fout la frousse. Association de DJ, de MC d'horizons divers. Autour d'un putain de feu que l'on déverse. Escribele cantales, mi vida, chico de Francia representa. Association de DJ, de MC d'horizons divers. Autour d'un putain de mot que l'on déverse. Escribele cantales, mi vida, chico de Francia representa. Lengua latina. Tu veux savoir comment je m'appelle? FROST, c'est comme ça que ça...